Blues Actu Express, toute l'actualité du blues en 120 secondes. Vous êtes avec Cédric sur Blues Actu Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Blues Actu Express, votre nouveau rendez-vous avec l'actualité du blues sur Blues Actu Radio. Au programme de ce premier numéro, les résultats des Blues Music Awards, l'héritage de Matt Guitar Murphy et le nouvel album de Mazingo. Are you ready? Yes! Comme chaque année, les Blues Music Awards célèbrent les meilleurs enregistrements et performances de blues de l'année. Ces récompenses sont reconnues comme étant la plus haute distinction pour les musiciens de blues et sont décernées par vote des membres de la Blues Foundation. La cérémonie a eu lieu à Memphis le 9 mai dernier et c'est Kristen Kingfish Ingram qui ressort grand vainqueur avec 4 prix, notamment celui du meilleur album de l'année. Parmi les lauréats, on retrouve également Bobby Rush pour le meilleur concert et le meilleur album Soul Blues, Ruthie Foster pour la chanson de l'année et la meilleure chanteuse, et en vrac, Keb Mo, John Nemeth, The Nick Moss Band, Daniel Nicole ou encore John Primer. La liste complète des lauréats est à retrouver sur bluesactu.com. L'héritage de Matt Guitar Murphy bientôt disponible. Le label Nola Blue Records annonce la sortie du tout nouvel album True Blues Brother, The Legacy of Matt Guitar Murphy. C'est un double CD de 23 chansons qui rend hommage à un illustre guitariste. Matt Murphy est devenu célèbre notamment grâce à son rôle dans les Blues Brothers, où il incarne le mari de Aretha Franklin et le guitariste du groupe. Dans les années 50, il a accompagné les grands noms du blues comme Howlin' Wolf, Little Junior Parker et Memphis Slim, ce qui l'a conduit à être introduit au Hall of Fame en 2012. Preuve de sa riche et intense carrière, ce double album rassemble pas moins de 72 musiciens. L'album sera dans les bacs le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Le groupe franco-américain Mazingo annonce la sortie de leur nouvel album Hey You le 7 juin. Depuis 2020, le groupe a sillonné les routes avec leurs instruments contrebasse, guitare et batterie. Résultat, plus de 30 000 km parcourus et de nombreux festivals qui ont adhéré à leur style folk rock très caractéristique. Et pour couronner ce succès grandissant, le groupe a été sélectionné lors du Challenge Blues français pour représenter la France à l'International Blues Challenge de Memphis en 2025. Ce nouvel album propose 12 titres intenses et variés qui vous emmèneront en voyage. C'est une sortie à ne pas louper. Ce premier numéro de Blues Actu Express est désormais terminé. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et retrouver toute l'actualité du blues sur Blues Actu Radio et bluesactu.com. C'était vraiment très intéressant.